And now for some new language. Quand vous entendez When you hear les mots et les phrases en français, the words and phrases in French, la deuxième fois, the second time, répétez-les. Repeat them. Je travaille. I work or I'm working. Je travaille. Une société. A company. Une société. La cuisine. The cuisine or cooking. La cuisine. Italienne. Italian, the feminine form. Italienne. Vous aimez. You like. Vous aimez. J'adore. I love or adore. J'adore.